un cesse de plus et j'ai fait péter la soupe. Une guette sur celle française, t'as les combats quand je découpe ça. Prière pour mes Tupac sous gaz, dans le brouillard, la chance et mes anges. M'en dit coup de paille au spack. La prod est morte, j'ai plaidé coupable toute main. Putain d'if, c'est des barres du seul. J'essaie de me barrer, tu sais, la flemme me fait du yep et je peux pas résister. Deux, trois fêtes, j'y vis des fois, best up, j'y perds mes PM dans la veine. Kickstar, je me sais que je visse depuis 17. Homie, je suis pas dans vos catégories. Donc, pick up si tu trouves mon phrase, c'est pas très logique. Allégorie, torite. Je vais pas épiloguer si je pose, y roule Emile Jones, c'est pas un épisode des Simpsons. La main entre la page et le pic fait la navette. Je m'agrippe à la zig, ça m'empêchera pas de glisser de la falaise. Noyé dans mes paragraphes, H24 indécis. Je vois le verre à moitié vide, enfoiré grand pas, tu vois la tasse. Je trace dans ma ville comme une étoile qui file. Plus que le star qui brille, y'a que pour les miens que je prie. Le cœur dans la glace et l'âme au bord du vide. Plus que le star qui brille, y'a que pour les miens que je prie. Le cœur dans la glace et l'âme au bord du vide. Au bord du vide, là je vais glisser, bête, ensemble que je me canalise. Lise, à croire qu'on veut ce qu'il a vu, seigneur, rien de bon dans nos analyses. Lise, au bord du vide, là je vais glisser, bête, ensemble que je me canalise. Lise. À croire qu'on fait ce qu'il a vu, saigne, y'a rien de bon dans nos analyses. J'ai pas la réflexion ni la mine de Spinoza. Plein de contradictions, j'suis comme tous mes comptes semblables. T'es dans mon clan si tu le sens pas. L'avenir paraît terne, mec, sous la flotte en sandales. J'mets pas 300 balles pour Claire Mess. Pourquoi sont-ils si bêtes? J'viens sauver le bail comme privé. T'es couplé comme les leurs, j'pouvais en gratter même en 6ème. Le seum rempli des citernes, seul comme t'as bon siffé. Souvent ce qui m'agace, tire un trait dessus, j'fais pas de migraine. J'attends la saison pour migrer. Mais j'suis du père, tous des règles. Du coup, j'reste en l'attente comme un vieux qui perd les savets. Ouais, c'est le cas aussi, vous savez. Personne dirait ça va. Le temps vient nous lâcher comme un bon gros coup de ça va. Que ça parte. Nah, j'ai compris que j'étais moi-même responsable de mes actes. Je vois que je cogite trop et résultat je me dégrade. Je me sens comme un piédine qui fait pas son quota de crap. Je trace dans ma ville comme une étoile qui file. Plus que le star qui brille, y'a que pour les miens que je prie. Le cœur dans la glace et l'âme au bord du vide. Plus que le star qui brille, y'a que pour les miens que je prie. Le cœur dans la glace et l'âme au bord du vide. Au bord du vide, là je vais glisser, bête, ensemble que je me canalise. Lise, à croire qu'on fait ce qu'il a vu, saigne, y'a rien de bon dans nos analyses. Lise, au bord du vide, là je vais glisser, bête, ensemble que je me canalise. Lise, à croire qu'on fait ce qu'il a vu, saigne, y'a rien de bon dans nos analyses. Lise.